What time is it? Quelle heure est-il? 2h-2. Quelle heure est-il? What time is it? 2h-2. De 2-2 à 2h-2, voyons ce qui se passe. Consacrons-y notre classe. From tout de 2h-2 à 2h-2. Daddy on his bike, he's riding to town. Papa à vélo se rend à la ville. From tout de 2h-2 à 2h-2. My sister is swimming across the pool. Ma sœur en nageant traverse la piscine. From tout de 2h-2 à 2h-2. Granny is in bed eating her pudding. Grand-mère est au lit en mangeant son pudding. From tout de 2h-2 à 2h-2. Dreaming Uncle John is putting the dog. Rêveur Oncle John caresse le chien. Et maintenant vous possédez tout un vocabulaire. Vous pouvez grâce à tous ces mots tenir conversation. Vous mélangez formant des phrases de mille manières, mille significations. From tout de 2h-2 à 2h-2. The dog is swimming, he's swimming to town. Le chien nage jusqu'à la ville, possible. From tout de 2h-2 à 2h-2. Granny on her bike rides across the pool. Grand-mère à vélo traverse la piscine, toujours possible. My sister in bed, she hates Uncle John. Ma sœur est au lit, elle mange Uncle John. Hey. Daddy is dreaming, he pets his pudding. Papa en rêvant caresse son pudding.